Tortoni et Art Attacks tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Tu pensais que t'allais passer l'été au soleil ? C'est faux ! Tu pensais qu'on allait abandonner tes oreilles ? C'est faux ! Tu pensais qu'il y a qu'en Grèce qu'ils ont pas d'oreilles ? Bah non, c'est faux ! Et pas de zoseille ? C'est pareil, c'est faux ! Tu pensais qu'après Dr. Quest ça allait être pareil ? Bah non, c'est faux ! C'est faux, bienvenue ! Vous écoutez Tortoli et Art Attacks. C'est le 105.4, c'est Radio Panique. Voilà, on va passer 1h, 17h, 18h comme tous les mardis. Ah, je suis chaud. On a stoppé nos vacances pour venir. Retour express en Ryanair Express. Et on arrive juste là, on arrive à 16h, on fait l'émission de 17 à 18 comme tous les mardis. Et après, bon, on se rebarre à la plage. Et d'ailleurs, on est chargé en soleil, je vous préviens direct. Enlève ton kawaii bonhomme, ça va chauffer. On a une grosse sélection. Et on a même un gros générique. T'as parlé d'aller à la plage ? Ouais. Bah allons-y. Vamos a la playa. Qui parle espagnol ici ? Est-ce que le public de Tortoli Art Attacks parle espagnol ? Si, de puta madre. Et non, pas de vamos à la playa parce que les temps sont durs. Il pleut sur BXL, il pleut sur une large partie de l'Europe. Je vais pas faire mon Joël Collado, mais voilà. Il pleut dans mon cœur. Il pleut même dans ton cœur. Ouais, grave. C'est pour te dire. Non, mais donc voilà quoi. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu kawaii, parapluie, bottes en caoutchouc. Et puis bâche, hein, la bâche au camping, bien connue. Bah, la méchante bâche. La bâche que tu mets au-dessus de ta tente, au-dessus de ton campement, que tu sois en camping ou même en festival, j'ai envie de dire. Hein, parce que tous les festivaliers sont de quoi je parle. Voilà. Ouais, notamment ceux qui ont été à Dour cette année. C'était quand même l'apocalypse. C'est Basta la pluie, on envoie Basta la pluie. C'est un nouveau titre, c'est Sous son système featuring Rivastar, DJ Napolitain, on envoie le soleil, c'est Tortoli Art Attacks, c'est le 105.4. soy. Dividir mon gabarito de los emoy. Percorrer el espacio y el ambiente soy. Senza ostacoli va caminando a parte y con tu universo horizonte. Porque la música es libertad. Con nosotros toda la vista cuantita. Oh sí, la música es libertad. La porta gioia e vitalità. In ogni realtà, in ogni città. Y ya porta humanidad, mientras la vivacità. Oh sí, la música es libertad. Le soleil est bleu, le ciel brille, Tortelière Batax tous les mardis sur Radio Panique. Panique. Hey yo! Mama, Tortelière Batax, les poules représentent les talons sur Italie. Alléluia! Si porta al centro del mondo e di ogni civiltà, esplode nel petto, da adesso non ti puoi più fermar. Schiavo del ritmo, suda via Babilonia. Io non dico stop. Scuoti la testa, suona la tempesta. Melodia che il male elimina. Muovi il bacino come dondoli un bambino. Se ce la sentirai. E la tua negra cold, negra cold. Show your negra cold, negra cold. Show your negra cold, negra cold. Show your negra cold, negra cold. C'était Mama Marias avec son nouveau titre Negritudine. Yes, c'est un nouvel album sorti en juin 2011. Ça va être fat. Voilà, nouvel album, je sais pas, ça s'appelle 90, non ? Je sais pas, j'ai vu la pochette, il y a un gros 90 dessus, je sais pas ce que ça... Est-ce que c'est le titre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peu importe. Peu importe, parce que là on est sur une autre, sur un autre topic, sur un nouveau sujet. Après la pluie, les grillons, la Provence, la France, qui dit la France, dit Tour de France. Le vélo, voilà, voilà, le vélo, bien sûr, le vélo qui vient de se terminer, et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal parce qu'on en a bouffé, on en a bouffé pendant trois semaines, ras le cul, Jean-René Godard, Jean-Paul vélo, Olivier. Vélo grillon, pour la sieste, c'était pas dégueulasse, j'ai envie de te dire, j'ai quand même pas mal dormi ces dernières semaines. C'était bien. C'était franchement sympathique. Donc on va se faire un Tour de France mix. Oui, on s'en refait un petit peu, Cad Elevans, c'est parti. C'est parti. Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. Que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin. Alors que le peloton n'est plus qu'un souvenir, le glas des premiers abandons résonne dans la montagne. Face à l'effort, ceux qui ont le coup de pédale moins rageur donnent l'impression de reculer, de s'effacer, de disparaître. Tour de France.

me weed, fuck out me weed. Won't get me wicked if I don't get me rude. Fuck out me food, yo. Food is the top of life. Food for me kids and it's a food for my wife. Food for me, my family, them alright. Food in the day and it's a food in the night. All the cake big and every one of them size. Oh, you want cut the next one slice with your knife. Food on me food, let me see say you're the right about that. Just me, I believe it, come and tell you something light. Yo, food is the top of life. If I'm not the food, then it can't be right. If you don't get me rude, fuck all me food, fuck all me food. Won't get me wicked if you don't get me grief. Fuck all me weed, fuck all me weed. Won't get me wicked if you don't get me rude. Fuck all me food, fuck all me food. Won't get me wicked if you don't get me grief. Fuck all me weed, fuck all me weed. I fool them and me come to feed your chief. Yo, I read them and me come to feed your chief. Remember I said, when the whole world me a feed. Baby, all I want is a woman still a breed. Remember when them man said them a feed get feed. Why you can't need them on food, me say that a greed. They do them a feed, get them education and read. Tell them the fuck. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme. Hey, Arbatax, Arbatax, yes, parce qu'il mange des tasses, mais Arbatax, il check, check, check, et c'est pas Tortoline Balanchine, reproduction, double lock, imminent attack. We double lock, the bad doublet in stock, ayy. Double lock, imminent invasion. We cause you don't empty for the sun. We disturb biological clock, because we set upon round the clock. We make you swing, yes, we make you rock. Each and everywhere we play it is cock a block. So double lock, imminent attack. We have like a bad doublet in stock, ayy. Double lock, imminent invasion. We cast the tone empty for the sun. Hey, hey, you better close the door. In a double, double lock style for sure. Mash up the dance, dash up the floor. For the boy, for the girl, the rich and the poor. This is not a joke, just reality. Sun by and I fall away. For here come the sound, super abound. Rough win a bluff, eternally. Double lock, imminent attack. We have lots of bad doublet in stock, ay. Double lock, imminent invasion. We cast out an empty for the sun. The M, the A, the double F, the I. Mafia crew, them are the sound alright. The M, the A, the double F, the I. We now force and fight. Hey, you better close the door. In a double, double lock style for sure. Mash up the dance, dash up the floor. For the boy, for the girl, the rich and the poor. This is not a joke, just reality. Sun boy in a fall away. Cause here come the sound, super abound. Rough when I block, and then I lay. Double lock, imminent attack. We have lots of bad doublet in stock, ay. Double lock, imminent invasion. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Et on en place une pour tous les fouets. Special quest to all the doorkeeper. Hey, hey, you better close the door. In a double double lock style for sure. Mash up the dance, dash up the floor. For the boy, for the girl, the rich and the poor. and the pole. In stock, hey. Double lock, imminent invasion. With Kazoto, Nyanty, Fati, Sound. C'était Poupa Jim avec le titre Double Lock. Et là, on repart sur du fat. Là, ce qu'on entend derrière, c'est TV Addict, mais on vous l'a déjà passé, les amigos. Souvenez-vous. Tu peux gueuler, Poupa Jim. Ça marche pas. Television Addict. Baby G, Selecta Tortoli is in a deep place. Baby G, c'est francophone, ça parle français, on en revient, on y retourne. Ça s'appelle Nuclear, spécial dédicace. A toi, Fukushima. On connaît Babylone, on sait ce qu'elle nous propose. Sans ces salades qui ne font pas qu'on fasse de pause. Elle conquiert le monde avec la marque monétaire. Fait peur aux nations avec la bombe nucléaire. On connaît Babylone, on sait ce qu'elle nous propose. Sans ces salades qui ne font pas qu'on fasse de pause. Le monde avec la marque monétaire fait peur aux nations avec la bombe nucléaire. Donne-moi une bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position et hey, ça me rend malade quand je vois pleurer les enfants. Une seule bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position et hey, si Dieu est ma guérison, oh, je rends à César ce qui appartient à César. Je veux faire fleurir mon art, mon art est progressif. Alors que reste attentif, mais l'attention ne me suffit pas, non, non. L'attention ne me suffit pas, non, non. Sur l'argent ne pousse pas dans la ville de maman. Et les récoltes se font toujours à la sueur du front. Les paniers sont si lourds, pour ce très peu d'argent, dis-moi si on parlait sérieusement. Donne-moi une bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position, elle, ça me rend malade. Quand je vois pleurer les enfants, une seule bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position, hey, c'est Dieu et ma guérison. J'ai fait tes témoignages, j'espère que tu comprends ça. Je ne suis pas le seul dans lequel cela ne me rassure pas. Les subventions sont coupées par tous ceux qui savent déjà. Et si tu ne sais rien, alors tu restes là. Le savoir est une arme trop peu partagée. On peut tout avoir avant les bouches crevées. Vivre comme des crevards. Trop de gens l'ont déjà fait, nous avons des couleurs dans nos vies. Loire Almighty, hey. C'est pas une bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position, hey, ça me rend malade quand je vois pleurer les enfants. Une seule bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position, hey, c'est Dieu et ma guérison. On connaît Babylone, on sait ce qu'elle nous propose. Sans ces salades qu'il ne faut pas qu'on fasse de pause. Elle contrôle le monde avec la marque monétaire. Fait peur aux nations avec la bombe nucléaire. On connaît Babylone, on sait ce qu'elle nous propose. Sans ces salades qu'il ne faut pas qu'on fasse de pause. Elle contrôle le monde avec la marque monétaire. Fait peur aux nations avec la bombe nucléaire. Nucléaire est devenue la solution. Les bombes, les guerres, les radiations. Où va-t-on dans ce monde? Babylone, stop, stop, hey, stop, hey. Arrête de faire exploser tes bombes. Arrête de faire peur aux enfants. Où va-t-on dans ce monde? La misère est comme une onde, hey. Donne-moi une bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position, hey, ça me rend malade. Je vois pleurer les enfants, une seule bonne raison de faire confiance à ce système qui promotionne le mal. Plus que jamais je garde ma position, hey, c'est Dieu et ma guérison. Lighter, lighter.

C'est Tortoli et Arbatax. Y'a pas de gangsters dans les studios, y'a que des grandes gueules, il manque une phrase en Hull, Hull, Hull. On va se calmer tout de suite les enfants. Maintenant qu'on en a fait une affaire de famille, on va pouvoir faire le tour du monde. Yes, Around the World. Et ça c'est une reprise. Seigneur Coconut. Seigneur Coconut, oui, mon ami. Oui, c'est l'exemple. Ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Je me sens parfaitement bien par tous les diables. Thank you. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Radio Panique. Et quoi? Un fromage blanc? Ou un yaourt? Non! Fjord, c'est une recette unique de... Radio Panique. Un goût crémeux et doux avec juste 6% de matière grasse pour en manger aussi souvent que vous voulez. On arrive! Fjord de Radio Panique. Initiez-vous à sa douceur. Tortoli et Arbatax. C'était... C'était Beastie Boys, chaud, hein. C'était Beastie Boys et je me souviens plus de la fille. Santigold, voilà. Avec Santigold, oui, c'est du tout frais, c'est du juin 2011. Donc c'est voilà une petite une petite quenelle. Non, mais je comprends que tu te rebranches. Je me rebranche, bonne. Merci. Très bien. Voilà. Non, j'aime pas quand tu parles tout seul comme ça. Ah OK. Ouais. Mais c'est pas une raison pour me couper. Ah merci. Tu vois ce que je vais dire. Très bien. Et donc je sais pas si t'as entendu le petit jingle juste avant. Pas du tout, mais je... J'ai entendu parler de Fjord. Tu veux peut-être que je te le remette? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire par là? Tu veux que je le remette? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors on va se le remettre. Léna, ça a l'air bon, qu'est-ce que vous mangez? Un Fjord. Radio Panique. Et quoi? Un fromage blanc? Ou un yaourt? Ça... Non! Fjord, c'est une recette unique de... Radio Panique. Un goût crémeux et doux avec juste 6% de matière grasse. Ça pour en manger fin. Aussi souvent que vous voulez. Allez, viens, on y va. On arrive! On arrive! Fjord de Radio Panique. Initiez-vous à sa douceur. Tortoli et Herbatax. T'as capté le concept? En fait, c'est une petite dédicace à la Norvège. J'en place une. T'en places une pour la Norvège. Tranquillement. Et t'as bien raison, Balam, t'as bien raison. On arrive! Disons, en parlant de tristesse, un petit peu là. Y a pas qu'en Norvège là qu'ils ont eu des. Qu'est-ce qui s'est passé? Des disparitions, bah en Angleterre là. La maison du vin en Angleterre. Ah là. Ouais, ouais. Mamie Winehouse. Bah oui, y a trop de sauce blanche dans le riad. Ouais, elle a un peu trop minarvoisé, j'ai l'impression. Là, ça a été un peu loin. Ouais, elle a minarvoisé vachement là. Cette blague est bonne, mais elle va très loin. Sera-t-elle retenue pour les Blador 2012? Je ne sais pas, mais. Croise les doigts. Ouais, bon d'ailleurs, petit hommage hein, pour la. Amy, yeah. On va se balancer un petit morceau qu'elle avait fait à l'époque avec Mark Ronson. Ça s'appelle Valérie. Rest hommage. In peace. Hommage. Restez avec nous, on en a pour un petit bout de temps encore. Rest in peace, comme on dit sur Facebook. Ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Valérie, why don't you come on over? qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon? Tortoni et Arbatax. Un jour on l'aura dans l'oignon. De retour, Tortoli et Arbatax, tous les mardis 17h-18h sur le 105.4 Radio Panique. Tu vois, je m'arrête pas quand je finis même pas mes phrases. Wow, respire, Tortoli, respire. Respire, c'est les vacances. Voilà, c'était un bon petit morceau. Amy Winehouse, ça s'appelle Valérie. Qui est cette Valérie? Je sais pas. Nous ne le savons pas, nous ne le saurons peut-être jamais. Du coup, je sais pas. Faudrait peut-être faire des recherches, je sais pas. C'est pas mon genre de faire ça. Valérie Joussaume, non? Autre chose. Valérie. Je sais pas. Bah, on ne sait pas. Valérie. Valérie ira bien, qui rira le dernier? Ah, voilà, merci. T'as l'air de rien, t'as l'air de faire de bonnes blagues. Non, oui, t'as vu, non, mais puis avec un petit peu de tristesse quand même, parce que j'écoutais ce morceau attentivement et je pensais à cette Amy Winehouse qui a rejoint le club des 27 là. À tout l'alcool qu'elle a bu. Ouais, ouais, elle a une bonne place dans ce club, hein. Je pense qu'elle est bien, elle a bien mérité d'être membre. Encore de l'alcool que tu boiras pas, Arbatax. Non, encore de l'alcool que je n'aurai pas. Voilà. Dans mon club de losers, n'est-ce pas, toi, Tortoli? Bon, voilà, on approche de la fin de l'émission. C'était le mardi 23 juillet. On était en plein été. On dédicace cette émission. On me signale que c'est le 26 juillet. 26 Il y aurait eu un. Non, oui, c'est vrai, c'est possible. Apparemment. C'est possible. Apparemment. Et en plus, on est en direct. Hein. Là, il n'y a pas de quenelle. Non, non, c'est vrai que c'est une erreur de ma part. Là, voilà. Excuse-moi. Mais c'est un auditeur qui a réagi très rapidement. Très rapidement. Il m'a dit non, c'est 26. Direct. C'est bon, ça. Merci, chers auditeurs, pour vos rectifications. Valérie, d'ailleurs, l'auditeur. Valérie, tiens. Ouais. Bah, le hasard. Valérie, contacte-nous. Hein. Nous avons un Facebook, ça s'appelle Tortoli et Arbatax. Retrouvez nos pérégrinations sur Facebook. Vous envoyez-nous des mails à tortoli et arbatax à gmail.com. On met les playlists là-dessus. On met les playlists aussi sur radiopanique.org. Et puis voilà quoi. Et voilà, comme je disais, on dédicace cette émission à ceux qui sont en vacances comme nous. C'est pour ça que je compte pas les jours, tu vois, 23, 26. Après tout, moi je m'en bats les reins, tu vois. Ceux qui sont en vacances forcés également comme nous. Voilà. Les chômeurs. Les chômeurs. Les grands. Les grands. Voilà. Et aussi à ceux qui travaillent, et puis aussi à ceux qui sont pas en vacances, ceux qui sont à Bruxelles comme nous, et puis à ceux qui partiront, et puis ceux qui font des festivals, et puis voilà, et puis c'est tout, et puis bon été, j'espère que. On a mis un peu de soleil là-dedans et qu'on vous a fait oublier le blues. Le blues de cet été. Hein. Eddie Cochran. Eddie Cochran, voilà, Summertime Blues. On finit là-dessus, c'est un classique. Et puis voilà, oubliez le blues. Mettez-vous ça en boucle, Tortoli Arbatax, faites circuler, c'est du soleil en bas. Au revoir les amis. Au revoir. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Well, you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.